Bon, ben merci pour cette invitation. C'est une invitation qui manifestement était liée à ce texte d'émolition, qui est une chose assez curieuse. C'est, en gros, pour vous le dire vite, parce que j'apparais comme ENS, l'ENS, je suis depuis un an, je suis salarié de l'université depuis 1994. J'étais à Terre, maître de conf, professeur aux universités de Strasbourg, Versailles-Saint-Quentin, La Rochelle, Lille-2, Paris 1. J'ai enseigné en première année d'AES, j'ai gueulé au moment des délibes quand des collègues qui considéraient que la recherche était plus importante que les intérêts des enseignants. Et donc j'avais 23 ans d'université dans les pattes quand je suis arrivée à l'ENS, et je précise par ailleurs que je ne suis pas normalienne. Et donc il y a un petit effet d'hystérésie, si vous voulez, aussi sur ce que je perçois de ce qui arrive à l'université française et de tout ce que j'ai pu parcourir comme espace de l'université, parce que très souvent je me suis retrouvée aussi dans des positions qui étaient des positions avec d'un côté un pied dans les filières générales et non sélectives, que ce soit à Strasbourg ou à Lille par exemple, et d'autre côté à faire par exemple une conf, un TD ou un cours du côté d'un IEP, et donc en voyant bien ce qui différenciait les deux, avec d'ailleurs pas forcément toujours le plaisir de l'enseignement. C'est pas pour être démago, hein, j'ai pas forcément que des bons souvenirs de la première année AES à Lille, mais j'ai aussi des souvenirs assez marrants. Mais je trouvais par exemple que la palette de ce qu'on pouvait trouver comme public d'étudiants, à la fois des niveaux très faibles, mais à la fois des gens pas du tout formatés chez des très bons, étaient beaucoup plus impressionnantes et intéressantes à l'université que dans les IEP. Et à l'IEP, ben, on faisait par exemple très très bien des exposés, à l'IEP de Strasbourg ou de Lille, mais ça pouvait être un peu plus chiant aussi dans les façons d'enseigner. Et du coup, je me suis aussi beaucoup posé, je me suis moins posé la question de l'utilité sociale de la recherche que les chercheurs, parce que quand on est enseignant-chercheur, on a le sentiment que son utilité, elle est du côté de l'enseignement, ce qui vous fout d'ailleurs une paix royale sur ce que vous pouvez faire de votre recherche, qui n'a pas à être une recherche appliquée, puisque votre utilité, vous avez un peu le sentiment quand même de l'avoir du côté de l'enseignement. Et je me suis aussi posé la question de qu'est-ce qu'on peut enseigner, par exemple, en première année, pour des gens qui continueront pas au-delà. Parce que je pense que on nous vend aujourd'hui l'idée que les gens qui ne continueront pas au-delà de la première année, c'est du gâchis, il ne faut pas qu'ils viennent à la fac. Et je reste assez d'accord avec les choses qu'écrit aussi Stéphane Beau sur le fait qu'il y a moyen qu'on parte avec un bagage et des choses drôlement intéressantes qu'on a acquises dans une première année de fac, quand bien même on n'aurait pas validé le diplôme ou qu'on ne serait pas pointé à l'examen à la fin. Donc voilà, je précise un petit peu dans un contexte en particulier, le contexte PSL compris, qu'il y a ce background et que... le moment où j'écris Démolition, je l'écris à un moment où j'ai en gros le besoin très fort de dire ce que je tiens pour vrai, mais d'une façon quasiment existentielle, quoi. C'est-à-dire, je ne veux pas le prouver scientifiquement, je dis bien que je demande qu'à me tromper, que je ne suis pas plus Madame Irma sur ça que sur le djihadisme, les mouvements sociaux ou l'environnement, mais où à un moment j'ai eu envie vraiment de dire à la fois ce que je ressentais de choses que je voyais depuis des années, à plein d'endroits. Parce qu'évidemment, en 24 ans, j'ai commencé ma thèse en 91, donc voilà, je suis devenue à Terre en 94, à plein d'endroits, voilà, j'ai occupé plein de positions, du côté des candidats, puis très vite du côté des gens qui siégeaient dans des commissions de spécialistes, au CNU, à la 40, au CNRS, etc., au sujet de la direction des sciences politiques. Et j'ai vu des choses changer, j'ai pas forcément de la nostalgie d'ailleurs de tout, et c'est une des choses qui est compliquée pour nous à affronter, c'est que je peux pas non plus dire que le grasseillement mandarinal d'une bande de vieux crabes qui écrivait depuis 15 ans, c'était génial, et c'est précisément parce que des gens ont voulu se payer aussi ces mandarins qui grasseillaient, qu'à un moment ils ont été bien contents de décrocher du fric des ANR des contrats pour les envoyer bouler et dire on va faire autrement et on s'en débarrasse. Et je pense que c'est une des choses qu'il faut arriver à problématiser, ce que Ibou Bayard et d'autres ont bien montré, ce que sont les douceurs insidieuses de la formule contractuelle, de ces accès à l'argent, de ce moment où on a de l'énergie et l'envie de secouer des cocotiers un peu dépassé. Donc je ne suis pas non plus en train de dire que tout était mieux avant. Je trouve par exemple que la misogynie a un peu reculé à l'université, que c'est plus possible de se retrouver jeune femme devant un jury d'hommes qui est limite de vous dire mon petit lapin, bref. Et donc j'écris ce texte et je l'écris en même temps à un moment où je trouve que c'est politiquement, sur tout ce qu'est le service public, que ça va pas bien, et pas seulement sur nous. J'ai reconté hier, parce que ce texte a été approprié côté universitaire, mais j'ai reconté, il y a 21 paragraphes de constat, il y en a 3, certes gros, qui parlent de mon métier, parce que j'aime bien partir de mon métier, de ma pratique, de ce que j'ai vu, mais il y en a 18 qui parlent d'autres choses, qui parlent du train, qui parlent de l'hôpital, qui parlent de ma mère en EHPAD, qui parlent de de ce qui se passe voilà, dans plein de domaines, qui parle du recul des libertés face au numérique, et je pense que c'est d'autres choses auxquelles il faut réfléchir. C'est la question de, pas seulement du service public, mais la question des choses communes, la question de la possibilité aussi d'un regard, de forme de regard réflexif sur le monde à plein niveau de la société. Comment une infirmière peut aujourd'hui travailler et soigner ou pas. Voilà, c'est une des choses qui m'importait dans ce texte. Hein, bon, et j'ai presque été, je dois le dire, perturbée et affolée de la façon dont ce texte s'est mis à circuler. Et avec des amis qui m'écrivaient, ouais, ça me fait du bien, je me sens moins seule, etc. Et donc, d'une certaine façon, c'était chouette de découvrir que ça parlait à plein de gens. C'était affolant sur ce que ça dit de la situation, mais que ça parlait à plein de gens qui disaient « je me sens moins seule ». Et je pense que c'est une des choses qu'on est beaucoup à ressentir, c'est que le premier pas, c'est effectivement d'arriver à se décloisonner, à se désemmurer. Et que c'est Laurent Douzou, l'historien de la résistance, qui dit « mais la résistance, ça n'a pas tant été que ça, des actions violentes ». C'est déjà le premier truc, c'était de se retrouver à pas beaucoup pour parler et pour dire que ça ne va pas. Et on est presque étonné quand on se retrouve quand même pas mal à dire que ça ne va pas. Donc il y a ça, et il y a aussi comment j'ai vu changer des pratiques. Alors il y a eu un moment où j'ai cru que certaines pratiques changeaient un peu en mieux. Je dois dire qu'il y a 15 ans, je trouvais que le recrutement, par exemple, des maîtres de conf, il y a 10-15 ans, c'était un peu amélioré par rapport à il y a 20 ans. Et puis à nouveau, je trouve qu'il y a des choses qui commencent à devenir n'importe quoi, à redevenir n'importe quoi. Je pourrais dire, voilà, avec Christian à Genève, comment on a vu aussi se durcir les conditions pour faire tourner des revues de façon qui soit satisfaisante, qu'on ne soit pas infligé un pseudo peer review qui consiste à prendre au hasard des gens en dehors des revues pour qu'un bureaucrate de revue fasse son choix et son marché entre les trois textes de trois personnes qui n'auront pas dialogué entre elles. Bon. Je pourrais parler de comment Belin, notre éditeur, a été racheté par UMN6 de Denis Kessler, et que tout d'un coup, on explique à la revue qu'il faut encore faire plus d'économies, qu'il faudra encore faire plus de maquettage. Voilà, je pourrais parler du moment où on voit arriver le mot délivrable dans notre paysage et toutes ces saletés. Je pourrais parler du moment où on voit arriver des articles où on se dit mais les gens ont plus d'idées, ou ils ont compris qu'il fallait rentabiliser les articles et effectivement qu'il valait mieux 5 articles à une idée. Je vous ressors toutes les punchlines de démolition, parce qu'en fait démolition c'est des machins que je rumine dans ma tête depuis 10 ans. Ce que je raconte sur les cours à 450, 4500 ou 45 000, c'est quand je faisais les rentrées à la Sorbonne en M2, et où on accueillait des étudiants de France, de Navarre, de Chine et d'ailleurs, et il y avait toute la peinture écaillée au plafond, et j'avais un peu les boules de faire la rentrée avec des locaux aussi dégueulasses. Et j'avais fini par dire, on va faire un truc un peu arrogant et classu au pied nu. On va leur dire, bah ouais, nous on n'a pas de fric, mais on n'est pas obligé de vous donner notre diplôme parce qu'on n'a pas de fric, parce que parfois j'avais été invité à faire quelques semaines d'enseignement à NYU, et là, les collègues de NYU me disaient, alors, vraiment, B+, c'est s'ils se sont vraiment foutus de ta gueule en cours. Tu mets pas en dessous de B+, et B+, c'est vraiment si t'es très fâché, mais sinon ta notation, c'est entre A- et A+. Bien sûr, quand on achète ses études à 40 000 dollars, évidemment qu'on vend un diplôme, on vend une marque. Et donc, je faisais une rentrée un peu arrogante en M2 en disant, bah ouais, on est un peu désolé pour la peinture. En même temps, effectivement, votre diplôme ici vous coûte 450 euros, et les 4 500, Columbia 45 000, on n'est pas 100 fois moins bon. Et donc là, on y allait un petit peu en disant, ben, on a encore des choses à vous apporter, et on n'est pas obligé de vous donner ce diplôme, et c'est pour ça qu'il a de la valeur, parce qu'on n'est pas obligé de vous le donner. Donc voilà, je ne vais pas vous ressortir ça, parce que c'est beaucoup en fait de choses que j'ai accumulées en ruminant depuis des années, et où un jour, ben, voilà, ça m'a assez démangé de les sortir, de les mettre à plat, parce que c'est ce que je tiens pour vrai. Et je pense qu'une des autres choses qui a nourri ce texte, mais qui a nourri aussi ce qui me fait un petit peu cogiter depuis des années, c'est qu'il se trouve que, bah, à un moment, je me suis mise à travailler en études africaines. Alors, j'avais déjà bossé sur l'humanitaire et le monde du développement, et il y avait un truc qui m'avait troublée quand je bossais sur le monde humanitaire. Donc ça, c'était en 98-2000. Des gens de Médecins du Monde, par exemple, qui étaient lecteurs du Monde Diplôme et qui faisaient du recouvrement des coûts dans leur ONG. Du recouvrement des coûts qui consistait à dire bah, tu sais bien que ce programme, de toute façon, il tiendra jamais si on n'en a pas aux gens de payer un peu et de financer un peu. Et donc, on va demander aux gens de payer pour leur santé. Tout entendu, on va juste abandonner l'idée qu'on aurait pu peut-être avoir un jour que la santé serait gratuite. Il faut que les gens y participent. Et voilà, cette façon d'aménager des positions politiques très très critiques dans l'ordre de ses idées, le consentement pratique, et pour ça les intellectuels, on est encore moins armés, je pense, que d'autres gens, c'est qu'on est persuadé que dès qu'on a notre petit consentement intellectuel, je pense qu'on est encore plus nul que les autres pour résister en pratique, pour peu précisément qu'on se dise on n'est pas nul. Et ça m'arrivait très souvent d'interviewer des gens du monde du développement, des gens du monde de l'humanité, de dire « Ah, mais je ne suis pas dupe, je sais bien que c'est la Banque mondiale qui veut qu'on appelle ça, à un moment, tel programme, je ne sais pas, au moment des coups, tel autre gender and development, telle autre participation communautaire qui va juste obtenir, consiste à obtenir le consentement des gens en bas à ce qui leur arrive d'en haut. Je ne suis pas dupe, mais, grand 1, si ce n'est pas moi, ça sera des gens pires, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. grand 2, il faudrait bien prendre le fric. Je me souviens, j'y ai repensé 15 ans plus tard, quand je me suis retrouvée moi aussi à remplir des machins, des gens qui me disaient, bah ouais, on sait bien ce que demande l'Union européenne, on sait bien, il faut mettre les mots-clés, participation communautaire, ou machin, etc. Et jusqu'à quel point le lip service, le fait de donner ce petit consentement en parole ou en mots-clés, c'est des arts de fer et du hackage de machine, et jusqu'à quel point on contribue effectivement à la légitimation de toutes ces choses. Je pense que c'est pas simple, je pense que parfois il faut prendre l'oseille quand même. Mais jusqu'à quel point on fait quoi. Et voilà, le fait de me coltiner il y a depuis 20 ans la question des effets de l'ajustement structurel en Afrique, et la question de ce que c'est que la contractualisation, la cité par projet, le consentement pratique à des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Le monde des développeurs est rempli de gens qui pensent que le développement ne sert à rien, ne marche pas. C'est quasiment une condition de leur intégration professionnelle que d'être désabusé par rapport à ce qu'ils fabriquent. Ouais. Mais si vous voulez, le jour où vous vous trouvez, vous, à remplir aussi des projets de recherche, et en vous disant « Ah tiens, mais ça me rappelle quand même vachement les humanitaires, les développeurs sur lesquels j'ai bossé il y a 15 ans », ça vous fait un peu drôle. Et surtout quand arrive l'effet ajustement structurel qu'on est en train de vivre d'une certaine façon, mais qu'on voit encore... Dans notre pays. Donc, voilà, cette question-là me tarabuste pas mal. Il y a un autre livre, par exemple, dont je pense qu'on trouverait des équivalents chez nous, le livre de Nicolas Bélorger, L'hôpital sous pression. Il montre bien que les gens qui s'approprient les formats du New Public Management, c'est parfois, il donne l'exemple d'une directrice d'administration dans un hôpital qui vote trotskiste, mais qui a envie de se payer son supérieur, qui est vraiment un sale type, et qui, à un moment, va utiliser certains outils du management, du monitoring, de la performance, pour dégommer les personnes qui sont au-dessus d'elle. Et voilà, je pense que c'est une des choses auxquelles on est confronté, et qui est une des choses les plus compliquées, c'est qu'on est les premiers à se saisir de certains de ces formats, de certains de ces financements, de certaines de ces possibilités, dans des enjeux tout à fait locaux et spécifiques, dans des luttes entre tendances théoriques, dans des moments où on n'aura pas de sous de tel côté et donc on va en utiliser de tel autre. Et le problème, c'est que je pense que c'est plus tout à fait possible de juste dire je ne suis pas dit. Une des autres choses qui me tarabuste, là aussi je pars faire le texte, c'est ce qui se passe du côté des post-docs. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un peu dans le genre. Du côté des post-docs, je pense que c'est une des choses dont il faudrait saisir très très vite. En quelques années, on a vu basculer le métier d'un moment où on soutient et 2-3 ans plus tard on a un job, à un moment où c'est ceux qui auront survécu à 5, 6, 7, 8 ans de post-doc qui vont avoir un job. Manque de bol, il n'y a pas plus opaque que le recrutement des post-docs, puisque les post-docs, on les finance sur quoi ? On les finance sur de la recherche contractuelle, qui fait qu'on arrive en même temps à se persuader d'être quelqu'un de drôlement sympa, puisqu'on va aider des gens qui sont dans la merde avec les sous qu'on a récupérés. Des gens qui sont dans la merde, c'est ceux qu'on a la chance de choisir parmi ceux qui sont dans la merde. La majorité des post-docs ne sont pas attribués de façon, j'ouvre très largement, ça se fait un peu plus quand même. Et en plus... qui on recrute sur les post-docs, on recrute de préférence des gens dont on se dit bon celui-là il va falloir qu'on claque dans les doigts parce que c'est une grande gueule théorique ou parce qu'il va se faire recruter et donc on recrute des profils qui sont en plus des profils souvent un petit peu plus dociles tendanciellement que les autres. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion de ce côté-là dans ce que produit aujourd'hui la contractualisation de la recherche qui tend à nous transformer en managers et surtout en managers assez dégueulasses qui allons être les premiers à penser que « Ah, oh, trop de charges, trop de charges !» ça m'est arrivé, je vous l'avoue, hein, une fois, de me dire, merde, trop de charges quand même. Et puis de me dire, bon, bah non, c'est normal, tu vas budgéter ça, en ingénieur, recherche, tel standard. Mais bien sûr qu'on a tous ces petites pensées dégueulasses dès qu'on traite et dès qu'on manage de la recherche contractuelle. Donc, voilà, si on rajoute aussi tous ces espaces de recrutement, moi c'est ça que je trouve de plus en plus affolant, tous ces espaces de recrutement où on ne lit plus les travaux, où entre une thèse super puissante théoriquement de 600 pages et une pauvre thèse avec 2-3 articles un petit peu dans l'air du temps, je ne pense pas que ce soit la personne qui révolutionne la science aujourd'hui qui soit en meilleure position pour être recrutée. J'ai quand même entendu des collègues dire oh mais un attachement à la recherche et au savoir de ce niveau-là, c'est quasiment pathologique. Allô, on est où? Donc c'est les choses qu'on entend aujourd'hui, on en est à ce degré-là d'avilissement quand même de nos métiers. Donc voilà, face à ça, la question de les chapitres, dernier truc, voir les chapitres, en quelques années. La démonétisation du chapitre par rapport à l'article. Vous proposez un chapitre à un jeune, vous êtes super emmerdé, parce que sur un CV, vu ce que c'est que l'évaluation, là encore, standard de la recherche, voilà, vous savez très bien que vous lui prenez quelque chose. Bon. Donc, il me semble que face à ça, parmi moi, les vagues idées que j'avais en dehors du sens de l'idée de remobiliser un peu un sens quand même de la dignité de nos métiers. Ça fait des années que je fais chier le monde dans des commissions de recrutement en disant quand même, ça serait bien de lire les textes. On en est au point où les recrutements mettent de conf. Les gens se sentent autorisés dans les commissions mettent de conf à dire comptez quand même pas sur moi pour lire la thèse d'ici la semaine prochaine. Non mais dégage. Enfin voilà, on est au moins supposé lire la thèse sur laquelle on rapporte. Sauf que on est dans ces espèces de double bind où des gens surmenés dans des universités où il y a un travail de dingue disent je n'ai pas le temps. Et donc il faudrait aussi trouver des moyens de s'encourager collectivement à dire tu n'es pas obligé d'accepter non plus 3 commissions et t'en fais une et tu bosses vraiment au moins sur la thèse sur laquelle tu rapportes et les autres tu lis au moins un article, je suis désolée. Parce que sinon effectivement moi j'ai pas envie de me battre pour l'université si au sein de l'université on abdique sur déjà les prises qu'on a. Je suis quand même affolée. Alors, je pense que c'est lié au fait que je suis devenue très très tôt titulaire, donc avec des effets de décalage où les gens avec qui je me sentais proche étaient plutôt les gens qui étaient de l'autre côté de l'espace du recrutement. Et je trouvais qu'il y avait quand même déjà vachement de moyens de faire des choses et que ces moyens n'étaient pas saisis. Et donc, je suis affolée déjà qu'on ne se saisisse pas de tout ce qui est possible dans tout un ensemble d'espaces. Et je trouve que c'est un des trucs quand même à défendre, d'arriver quand même à ouvrir sa gueule un peu plus dans plein d'espaces où on pourrait quand même parler un peu plus, dire un peu plus, je suis pas d'accord, dire un peu plus, quand même on est supposé lire les travaux. Moi cette année, voilà, j'ai commencé à répondre aux personnes qui me sollicitaient pour des commissions, dire je vous remercie de votre confiance, je dois vous prévenir, je suis un peu chiante, je tiens vraiment à ce qu'on lise les travaux. Si vous allez tolérer qu'on puisse dire qu'on ne va pas lire la thèse ou qu'on n'a pas le temps, je siège pas. Donc voilà, j'essaie de trouver des formats pour le dire gentiment, parce que je sais qu'il y a plein de facs, on est sous l'eau. Voilà, la fac de La Rochelle, hein, j'ai peut-être 4 ans, je vois bien ce que c'est comme condition. Mais je trouve qu'il y aurait des moyens déjà de dire un peu gentiment, il y a un sens de la dignité de nos métiers, qui est qu'on n'est pas là pour faire de la merde, et donc on est là, dans le meilleur des cas, pour arriver à se faire plaisir, et dans le déjà moyen des cas, à faire des choses un petit peu décentes. Il me semble qu'un autre axe, aussi des choses auxquelles on pourrait réfléchir, c'est défendre de façon plus générale que simplement l'université de la recherche la question des outils de la réflexivité dans la société. Je ne trouve pas que le journalisme soit en très bonne forme, je ne trouve pas que ce qui se passe du côté de l'INSEE et des outils de l'INSEE, des indicateurs de l'INSEE aille très bien non plus sur quels indicateurs on se donne ou quels indicateurs on défend moins. Et donc il me semble que dans plein d'institutions, la question de comment on diagnostique. Là encore, le fait d'avoir travaillé sur le monde des développeurs, est-ce que c'est que se pointer dans un pays dans lequel on n'a jamais foutu les pieds, mais c'est pas grave, c'est la sous-région, et t'as bossé sur le pays d'à côté. T'arrives dans un pays, t'as 15 jours, tu fais 3 réunions avec les locaux, avec les intermédiaires, on a sa grille de rapport du programme du développement. Bon, on voit très bien aussi comment ces formats nous arrivent dans tout un ensemble, là aussi, de lieux d'évaluation. Défendre de façon plus globale que, disons, université, organisme de recherche, la possibilité pour la société qu'il y ait des outils de connaissance, de parole, des outils qui prennent en compte aussi comment les gens sont un peu spécialistes quand même de ce qui leur arrive, ça me paraît fondamental et ça permettrait aussi de se désenclaver de simplement nous, l'université en danger. Je pense que dans plein de lieux, voilà, si vous connaissez des ingénieurs, la plupart des ingénieurs ils pleurent, ils ont fait des études pour faire des ponts et faire des trucs utiles, et on les fait basculer sur des fonctionnements commerciaux où il s'agit de faire du service après-vente, du ISO, etc. Donc, c'est ces alliances-là aussi, hein, sur est-ce qu'on a les outils pour que la société se regarde. Voilà. Voilà, moi, je pense qu'il y aurait ça. Je pense aussi, comme plein de monde, je crois que les 20-30 années qui nous attendent vont être vraiment dégueulasses. Un copain médiéviste me dit oui, à terme pour nos vies c'est quand même mal barré, mais à la fin c'est tellement dysfonctionnel que ça s'écroulera. Bon. Mais par exemple, c'est vrai que la question du trésor de guerre est importante. Alors, par exemple, j'avais des discussions avec des copains CNRS qui ont renoncé au prime d'excellence. Moi, je trouve que plutôt que de renoncer au prime d'excellence, puisque maintenant ça se fait à bas bruit, quoi, personne n'en a rien à faire, il y a un outil très bête, les fondations d'intérêt général. Il faut juste qu'il y ait 15 000 euros sur une fondation d'intérêt général. Qui est une structure qui permet ensuite de financer des choses, des causes, etc. Franchement, allez voir parmi tous les gens qui ont refusé les primes, leur dire, bon, maintenant vous la demandez. Et simplement, le blanchiment symbolique de la sortie de ce sacrifice que vous êtes imposé à vous-même, c'est que bah, vous donnez éventuellement votre prime d'un an à une fondation d'intérêt général. Moi, franchement, quelqu'un qui a renoncé à sa prime pendant des années, c'est quelqu'un à qui je donne les clés pour gérer un outil collectif déjà, à qui je fais assez confiance sur, justement, le fait que c'est des gens assez décents pour avoir renoncé à de l'argent et que, voilà, il faut monter des trésors de guerre aussi pour se défendre, que ça serve à des caisses de grève, que ça serve à des, je sais pas, à des post-docs alternatifs, que ça serve à des revues alternatives, que ça serve, pourquoi pas, à des universités hors les murs. Je pense qu'on est un nombre d'enseignants-chercheurs qui seraient prêts à donner chacun 24 heures par an pour faire fusse dans des hangars qu'utilisent les évangéliques dans le nord de Paris, une université qui ressemblerait vraiment à ce qui nous plaît avec du fric qu'on aurait mis de côté. Je pense que ça serait pas mal non plus. Donc voilà, petite pratique de résistance. Moi, je m'interdis de participer à X instances de recrutement par an. Moi, je ne signe pas, je refuse de remplir la case de H-Index quand les gens de l'ANR me demandent, parce que je trouve que c'est un outil légitime. Des micro-trucs, ça, éventuellement, mais vous envoyez quand même un petit peu des signaux tout le temps que c'est dégueulasse, que ça nous avilie, que c'est pas ça notre métier. Moduler ça en fonction de nos positions théoriques, on n'a pas tous la même sociologie, je suis désolée, si on aime la Tour d'Ivoire, bon, bah, franchement, j'aimerais faire autre chose que me retrouver à militer pour défendre ce qui a toujours été ce que je pensais être le machin que je ferais avec évidence toute ma vie. Mais si on pense que la Tour d'Ivoire, c'est important, bah, défendre cette Tour d'Ivoire, parce que là, effectivement, elle a un peu du mal. Si on pense que les sciences sociales, elles doivent baigner dans la société pour permettre plus de retour de la société sur elle-même, ben, défendre les possibilités, ces possibilités-là aussi, et pas que ça soit juste des saletés de format imposées venant du haut, avec des termes qu'on ne choisit pas. Donc, voilà, de l'argent, des micro-résistances, se parler, un peu changer nos vies pour être capable de plus s'agir collectivement. Voilà, savoir à la fois les moments où on a besoin d'être seul pour écrire et les moments où on se regarde assez, où on discute assez pour déjà avoir des petites routines ou deux, trois trucs prêts. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une réforme encore plus dégueulasse que toutes les autres qui arrivent? Bon, donc c'est un peu des choses en vrac. Je regarde si j'ai rien oublié de toutes ces choses qui me passaient par la tête, mais bon, il me semble que déjà ce point de départ, pas trop se faire salir dans ce qui fait quand même des choses assez plaisantes de notre métier, ça serait pas mal. Merci. Bien. Est-ce qu'on fait quelques questions? Oui, peut-être un premier round de questions. Oui. Tu peux émerger de la salle. Immédiate. Ça peut venir des intervenants. ce que tu appelles le consentement pratico-pratique dans lequel on est pris. Ce qui est terrible, c'est surtout l'absence d'espace pour le changer, ça, parce que précisément, il y a un double discours qui est même quasiment devenu. Alors, qui est théorisé par certains, hein, par certains, y compris par des historiens des sciences. Il y a toujours eu un double discours des chercheurs. D'un côté, la science pure, etc., puis de l'autre, le bidouillage généralisé. Il y en a qui ont fait une théorie de l'histoire des sciences. On ne va pas citer des noms. Le double discours aussi, le fait d'être toujours à la fois hyper vertueux dans ses présentations publiques et dans sa manière d'avancer pour, au nom de la légitimité du savoir, et puis de l'autre, effectivement, faire des compromis, y compris avec AXA, par exemple. Malheureusement, par exemple. Il y a une chaire AXA qui a été créée. Donc voilà, mais des consentements, ça prend des formes très différentes. Donc la question, c'est quels sont les. Comment tu vois les espaces alors interstitiels ou disruptifs justement de ce double discours? C'est-à-dire, est-ce qu'on est condamné à avoir toujours une double face? Est-ce que selon les théories psychologiques, je pense que ça change? Ou est-ce qu'il y a vraiment moyen de le. Et ce séminaire est aussi une manière, je trouve, d'amener les expériences sans trop de pudeur, de fausse pudeur, justement, de dire voilà, ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'on en a à plusieurs reprises regardé concrètement pour essayer de partager au moins ces expériences et les rendre un peu moins honteuses d'une certaine manière ou indicibles ou quoi. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a. On peut viser ce genre de déplacement pour changer un peu ce partage. J'ai pas de théorie de ça, j'ai tendance à penser que. En gros, il vaut mieux éviter ces outils à partir du moment, enfin ces outils, ces pratiques, à partir du moment où elles sont là, elles donnent des prises pour faire chier en même temps. C'est-à-dire que, voilà, on peut à chaque fois dire chiche. Il paraît qu'on est une communauté. Ah ben chiche, si on est une communauté, vous devriez peut-être un peu rendre des comptes. Regardez ce qui se passe au Louvre, par exemple, avec le Total et les activistes qui autour du Louvre disent ah ben le Louvre est financé par Total, mais dans ce cas, nous on bordélise la situation au Louvre parce qu'on est contre les institutions, contre les lieux extractifs. Donc voilà, je pense qu'on peut vraiment jouer sur les deux tableaux. Il y a plutôt éviter ça, mais à partir du moment où c'est là, on n'a pas ce que tu voles quand c'est un grand acteur puissant, parce qu'il y a moyen de mettre un peu du désordre, ouais. Et dans ce cas, effectivement, de récupérer le fric, ou de considérer qu'effectivement, une part de cet argent, une part de ci et ça, bon, ça produira de la légitimation, mais comme de toute façon, il y a déjà de la légitimation qui produit pour ces institutions de leur finance de la recherche, bah, au moins en faire des choses un peu disruptives. Ouais. Il y avait une question. Yves Bonnet, je suis aux instituts de recherche de la FSU et avec quelques-uns de mes voisins, on anime un chantier sur le travail. On essaie de comprendre ce qui se passe dans le travail, comme activité humaine. Je trouve, Johanna, que tu as parlé de ton travail. Quoi. Et est-ce que ce n'est pas ça la solution? C'est qu'on mette sur la table le travail réel. C'est-à-dire que comment on s'y prend face à tout ce qui nous tombe sur la tête, au lieu de dire oh là là là là, se plaindre, on met sur la table. Ce que tu as fait, c'est l'irrésistance, parce que nous, ce qu'on constate, l'enseignement supérieur ou ailleurs, c'est que tous les travailleurs font de la résistance. Parce qu'on ne peut pas vivre sans faire de résistance. Mais la question, c'est est-ce qu'on le met sur la table? Est-ce qu'on en discute? Est-ce qu'on en dispute? Et je pense que c'est ça le fondement d'un vrai travail politique. Là, vous avez dit qu'il faut politiser, je suis d'accord. Mais on a tendance à politiser dans le macro, hein, de chercher les mots les plus radicaux, etc. Bon, sans se faire, sauf que ça n'aboutit à rien. Faire ce que tu as fait, c'est plus courageux. C'est plus difficile. Et il y a une espèce de résistance dans mon organisation politique et syndicale à faire ce travail. Parce que quelque part, ça met en cause notre façon de travailler, de faire de la politique. De la faire autrement. Plutôt que d'échanger les grandes idées, d'aller voir dans le micro. Enfin, mais Mais ça s'appelle des petits machins. C'est vrai que là, j'arrive dans un nouveau labo aussi, et je me suis fait un peu engueuler par le gestionnaire, et en même temps qu'il fait son job, et je comprends ça très bien, parce que j'ai dit, bon, j'espère quand même que quand on ramène du contrat, on utilise quand même du fric du contrat pour payer en gros des billets d'avion, des doctorants, pour autre chose que les machins dans le contrat. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit un peu cash et que je suis encore jeune dans le labo, j'ai l'impression que le gestionnaire croyait que vous allez boire des bières, enfin du champagne sur les sous-contrats internationaux. Mais c'est vrai que moi, ma pratique, par exemple, et ça, c'est des choses qu'on peut aussi défendre au niveau des labos, en poussant un peu, c'est. Mais enfin, la règle devrait être le crédit non affecté. Donc merde, faut pas laisser passer, il faut utiliser quand même le fric qu'on récupère. Alors, il y a des configurations dans lesquelles même des collègues que j'aime beaucoup politiquement, ça les braque en disant « Merde, c'est mes sous, je les ai ramenés en m'embêtant à monter un contrat bien lourd, et puis en face, c'est des crabes qui foutent rien. » Mais je pense que, par exemple, pour les doctorants, il faudrait des façons à la fois un petit peu collectivisées pour que ce soit pas juste du bienfaisant paternalisme de qui ramène des sous de façon personnalisée. Mais ouais, moi, je suis vraiment... J'insiste, hein, il faut prendre l'oseille où elle est. Même si c'est déjà qu'une adaptation secondaire par rapport à la situation dans laquelle on est, mais rappeler en permanence. Pareil, un autre truc sur lequel j'emmerde le monde à longueur de temps dans toutes les commissions où il y a des postes fléchés, c'est de dire je suis désolée, c'est pas légitime les postes fléchés, je suis désolée, les recrutements, il faudrait encore qu'on garde un petit peu le critère national en tête, parce que dès qu'on laisse tomber ça, ce que j'entends au niveau d'un recrutement local dans telle ou telle fac, c'est ah ben on monte un diplôme de ça, donc il faut ça. Enfin non, sauf que tu recrutes un gars pour 42 ans qui va muter ailleurs, donc non. Et donc je suis désolée, ton fléchage, quand bien même il serait inscrit, je ne le considère pas comme légitime. Et on peut encore quand même un petit peu embêter le monde aussi sur ça. Bon, quitte à s'engueuler avec des gens qui pensent que. Je suis très sensible au thème que tu évoques sur la dignité de nos métiers aujourd'hui. Et au fond, c'est un thème qui est transversal à toutes les situations de travail, qui est le travail bien fait. Mais dans le cas particulier de nos métiers à nous, je pense qu'il y a des conditions qui ne sont pas faciles à remplir pour mener ce combat. Et en particulier, je pense qu'on ne peut le mener que si on peut se prévaloir d'une autorité déjà construite dans le choix. Pour des plus jeunes, pour des plus fragiles, c'est peut-être la question de la reconnaissance que tu évoquais tout à l'heure, Francis, c'est qu'il faut d'abord faire ses preuves, et faire ses preuves, c'est passer pour une part, avec son compte à soi sans doute, mais quand même pour une part, sous les fourches codines des critères. Et alors, cela dit, on peut aider les collègues, y compris les plus jeunes, à se battre pour cette dignité de métier. Et je pense qu'il y a un aspect qui est vraiment important, c'est l'impertinence. Parce que hein, je crois que dans de nombreux contextes très concrets dans lesquels on se trouve, il faut être impertinent. C'est absolument indispensable. Quand on entend de la novlangue qui se dit, il faut rire. Il faut ricaner. Il faut dire, écoute, c'est pas à moi que tu vas faire ça. Et ça s'est passé un petit peu comme ça dans un combat tout récent. À l'école des hautes études, où en gros, enfin, sans vouloir localiser trop les affaires, mais quand même, il s'agissait d'empêcher l'absorption totale par la Research University dont parlait Francis tout à l'heure, par les sciences et lettres. Et donc, tout un ensemble de collègues se sont très divers, de générations différentes, qui étaient dans le combat depuis longtemps, qui arrivent maintenant, se sont dressés pour dire non. Et en particulier, je veux dire, tout le vocabulaire que vous pouvez imaginer de la littérature PSN, qui est à pleurer de pétille, a été énoncé. Rien que ça, ça fait de l'effet. Mais jadis, quand l'ARS avait la moindre importance, ce qui est plus le cas aujourd'hui, j'espère que les collègues n'ont plus peur de ces comités de suicide, sinon, jadis, moi je me souviens très bien, je l'ai fait, d'autres l'ont fait aussi, quand le président du comité de visite disait, bon alors finalement, quels sont les actes structurants? Je dis, tu crois à ça, toi? Tout le monde se détend, il y a ce silence qui est derrière. Et on fait semblant, donc il faut dire que le rôle est. Et ça, je pense que c'est une des formes auxquelles Johanna pense aussi, c'est la dérision. Mais évidemment, pour attaquer sur ce registre, il faut avoir suffisamment d'autorité pour ne pas, évidemment, se planter. Juste, parce que que Christian a raison de rappeler ce moment qui a été très important, c'était il y a un mois à peu près. Alain Fuchs est venu débattre avec le HESS, ayant pour lui normalement la direction de l'école pour que l'école rentre comme membre plein, malgré les critères qu'on avait passés au crible, justement, et qui sont assez monstrueux pour l'école, quoi. Et en fait, il a quand même s'en est sorti parce qu'il est plus cynique que ça. C'est-à-dire qu'il a joué le cynisme, il a dit, mais vous, en fait, vous, ici, vous croyez au texte, vous avez passé beaucoup de temps, mais moi, je ne les ai même pas lus. Là, il a dit ça. Il y a le compte-rendu, si vous voulez, qui circule. C'est-à-dire qu'il n'a même pas investi les textes qui ont servi à l'IDEX. Il a dit, mais vous savez, moi, je ne les ai même pas vraiment regardés. Tout ça, c'est du cinéma. C'est comme ça qu'il a construit son truc. Et là, il y a vraiment aussi un enjeu, c'est-à-dire comment remettre entre ces gens qui sont capables d'un cynisme ouvert, quasi, enfin voilà, de mentir, ou de dire qu'ils ne font pas le boulot, etc., etc., ou de se mépriser, enfin, au sens de honnête, hein, une technique de mépris ouvert, de repeupler la médiation, parce qu'on a vu une présidence de l'école un peu tétanisée, quand même, de fait, qui n'avait plus aucune réponse à rien. Du coup, effectivement, la salle a pris le pouvoir, mais... Tu vois, ce que je veux dire, c'est que ça ne résout pas complètement... Enfin, on voit bien qu'on est dans des états du monde où il y a des pouvoirs qui sont devenus assez inaccessibles à la critique. Et donc, forcément, il y a des raisons. Enfin, voilà, c'est une question de fond. Et vas-y, Jonathan, t'as une... Non. Peut-être qu'il ne faudrait pas non plus sous-estimer l'adhésion de certains personnels. Ah, oui. Ah, ces dogmes constitués qui, avec le temps long... sont internalisés, normalisés, banalisés, et pour avoir un petit peu circulé aussi dans les écoles d'ingénieurs, où l'entrepreneuriat, la start-upisation est mise en avant, il me semble que là, il y a une adhésion assez forte, et notamment aussi au niveau des étudiants, pour qui c'est normal, j'ai enseigné au Pont, à Centrale, pour qui c'est normal de créer une start-up, point, on est là pour ça, ou sinon ça va être la finance. Donc là, tu parlais des ponts, etc., se rendre utile pour d'autres voies qui étaient celles de ces écoles au départ. Là, il y a une normalisation qui s'est opérée, et rappeler cette dignité du travail, enfin, auquel je crois très fort aussi, bah, tu passes un peu pour, pas forcément rien, mais en tout cas, hyper ringard. Mais je vois ça, moi, avec les doctorants, c'est-à-dire qu'ils peuvent être à la fois, pour certains, très radicalement à gauche, et en même temps, ravagés par un cynisme absolu, face de toute façon à l'absence de place qu'on leur fait. Et donc, de temps en temps, c'est même. Enfin, c'est super compliqué, parce que si on leur parle des bonnes valeurs et des bonnes pratiques de la science, ils vont vous rire au nez, parce qu'ils savent très bien que c'est pas avec ça qu'ils vont trouver un job à l'université demain. Et donc, sur nos positions et ce qu'on leur apprend et comment on se positionne, c'est hyper violent, je trouve, actuellement. Comment discuter avec les doctorants, ils savent que c'est... Si, il faut qu'ils aient une bonne thèse, je veux dire, on est là pour ça. Ah bah oui, je ne lâcherai pas là-dessus, mais... d'accord avec ça. Ça, on est d'accord. Il y en a qui, à mon avis, enfin, pas de ceux que j'aime beaucoup, mais... Il y a des gens qui veulent une thèse qui les fera être recrutée plus que forcément la bonne thèse... dont moi j'aurais l'idée, quoi. C'est une carte de vie. Mais bon, en général, voilà, ceux-là, j'essaie de pas les prendre en thèse, mais ceci dit, du coup, je prends pas forcément en thèse les gens qui auront tous un poste. Hein, ouais. Il y a une question. Oui, moi, c'était pas une question, c'était surtout un commentaire. Merci beaucoup de votre exposé. J'ai trouvé qu'il était plein de mesures entre, d'une part, bah, parfois, il faut peut-être accepter de se compromettre, même si on sait tous ici qu'aucune compromission n'est neutre. Voilà, c'est comme ça. Et d'autre part, de l'autre côté, il y a un sens de la dignité. Ça m'a rappelé un ami qui m'a montré la carte de membre de la CGT de sa mère en 1949, sur laquelle il y avait quatre exigences. La quatrième, c'était être le meilleur au bureau, à l'atelier. Cette exigence-là, je pense qu'en fait, c'est peut-être l'essence de l'enseignement supérieur ou même de l'enseignement. Et c'est peut-être ça, ce qui, dans notre société, est en train de disparaître, et auquel je suis très attaché. Donc, merci beaucoup. Je voulais rebondir sur la question des doctorants, vous avez aussi parlé des post-doctorants. Moi, je pense qu'il y a là un enjeu majeur et que ce n'est pas simple du tout. Ce que vous venez de dire sur le fait que quand on propose à des doctorants de faire une thèse avec ce qu'on pourrait appeler nos valeurs, c'est pas ça qui leur fera avoir un poste. Il y a plusieurs choses. Premièrement, ils le savent. Alors, certains le savent et ils font du bricolage, arrivent à faire un bon travail, à présenter des façons qu'ils puissent rentrer sous la cabine. Il y a une chose que j'ai observée aussi, c'est que il y a un dégât qui est fait de cette, par cette façon de concevoir la recherche, l'enseignement supérieur chez les plus jeunes générations. Il y a des normes qui sont intériorisées. Et par exemple, c'est un cas particulier, un manque de curiosité, enfin de tout ce qui serait gratuit, d'aller chercher un peu plus loin parce que ça ne rapporte pas tout de suite. Et donc, je pense qu'il y a un changement aussi dans le travail qui va être fait. Peut-être que le HESS est un meilleur lieu d'observation pour ça. Et il y a aussi autre chose, c'est que ces normes arrivent dans les instances. On demande maintenant qu'une thèse soit faite en 3 ans, ce qui, pour les sciences sociales, signifie abandonner une certaine idée de thèse. Que tout un tas de mécanismes sont mis en place pour ça. On voit là maintenant, le ministère en sort pas mal. Que moi, je me suis inscrite au groupe de travail de la CPCNU sur le doctorat, en pensant qu'il y avait un enjeu fort, on était juste après la réforme, et qu'il y avait des choses à jouer. Et j'ai vu presque l'ensemble des collègues qui sont dans le groupe, pas tous, mais en tout cas presque tous, pour eux la partie est jouée, il n'y a rien à dire. En plus c'est très compliqué parce que comme ça mélange des gens qui sont dans les sciences dures, des gens qui sont dans les sciences humaines, il y a aussi une difficulté de compréhension entre ces mondes et voilà, des difficultés de dialogue, etc. Mais moi je crois aussi à la résistance au sein des instances, sinon je n'aurais jamais accepté de faire ce genre de choses. Mais c'est hyper compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de gens, donc là je parle du cas du doctorat, je crois que c'est vraiment un enjeu majeur à l'heure actuelle, les doctorants, les post-doctorants, qu'est-ce qu'on en attend, qu'est-ce qu'on leur demande, comment on les aide à passer au travers des normes qui leur sont imposées, tout en gardant une exigence intellectuelle. C'est vraiment pas quelque chose de simple, et en sachant qu'il y a des valeurs quand même qui rentrent dans les têtes, après des années de réforme de l'université. Il y a ça, et puis il y a une autre chose aussi que j'ai observée, c'est que oui, d'accord, on ne croit pas dans cette même langue, on est sceptique, on n'y croit pas, mais quand même on l'applique. Et on l'applique bien parce que même si nous-mêmes on n'y croit pas, on ne veut pas lésiner ni notre équipe, ni notre laboratoire, ni une toute petite école de pensée. Donc voilà, même des gens qui ont les outils pour l'analyser et qui sont absolument critiques par rapport à ça, dans la réalité des faits, ils se plient aux normes, et on se plie collectivement aux normes. Donc, ok, les petits actes de résistance, mais je ne sais pas s'ils sont si nombreux que ça, quoi. Il y a combien de gens qui, dans les comités de sélection, disent « je ne siège pas si je n'ai pas eu la thèse ». Je sais, mais ça, c'est des trucs où je connais quelqu'un. Comment on fait pour diffuser ça dans ces conditions? Non, mais par exemple, je connais quelqu'un avec qui je suis fâchée depuis, mais qui à une époque, il y a une dizaine d'années, je crois, je ne sais pas qui c'est, avait inventé une espèce de charte, un peu slow science, ce genre de choses, quoi. Je pense qu'il faudrait se remettre à faire des chartes même un peu simples, du genre bah, désolé, moi je siège pas sur ça, ou voilà, moi je me range sur la charte de voilà, la charte de politique des sciences. Je pense que, voilà, on peut très bien imaginer un truc en 5-6 lignes, pas forcément hyper exigeant, mais qui permettrait déjà de dire, voilà, déjà, moi, j'applique ça. Et jouer aussi un peu, puisque tout le monde s'amuse à faire des chartes, des normes, des machins, ben moi, ça, déjà, c'est quand même le béaba, le minimum, et donc, ciao aussi. Et c'est quoi c'est la charte ISO. Il y a une charte qui existe, qui est la charte de l'excellence. Oui, voilà. Oui. Et qui, je trouve, est très intéressante par rapport à ça, parce qu'effectivement, ces petits actes de résistance, on est quand même vite isolé. C'est la merde d'or ou la merde de service, c'est la personne qu'on va éviter dans un certain nombre de... Oui, mais on peut se remotiver à ça et faire circuler pour justement passer... Ça génère, moi j'ai beaucoup, ça fait du bien les petits cercles, on peut s'entendre et se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Et beaucoup apprécier justement ce double volet très tempéré qui se rappelle à la dignité. Et puis il ne faut pas oublier toute la souffrance que ça génère. Enfin, moi je le vois à l'université, il y a des collègues qui sont dans un état vraiment profond de souffrance. Et que du coup ces petits actes de résistance isolés, je pense, ne nous donnent pas suffisamment de force justement pour pouvoir résister à cette machine assez écrasante là, qui est en train de, dans sa dernière version là, sur Parcoursup, c'est quand même assez inédit, hein, la pression qui nous tombe dessus. C'est vraiment des formes de pression et de management complètement inédit. Mais je pense que les chartes sont très importantes parce que c'est des règles très claires. La charge des excellences, c'est par rapport à ce que vous disiez, à ça qu'on le règle aussi sur résister à l'accélération du temps, le fait qu'on nous impose de prendre des décisions trop rapides, refuser de prendre tant de commissions, refuser, etc. Enfin, c'est des petites règles très simples. Et puis de temps en temps, pour se consoler, se dire, ben, le dernier grand bouquin de sciences sociales que j'ai lu, il rentre dans aucun des formats débiles. Ben, voilà, je prends toujours l'exemple du Charon de Verve, mais voilà, faut arrêter. Ce genre de bouquin, c'est quand même des choses qui, me semble-t-il, sont un peu importantes pour nous et qui rentrent dans aucun des cadres de ce qu'on veut nous imposer comme format de la recherche aujourd'hui, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont beaucoup plus en paix pour bosser, je pense à certains historiens, quelqu'un comme André Loès par exemple, des gens qui préfèrent enseigner comme agrégé d'histoire et faire à leur rythme, parce que personne viendra les emmerder sur l'évaluation de la recherche, plutôt que se retrouver à front renversé dans une institution soi-disant d'enseignement et de recherche où ils ne peuvent plus faire de recherche. Dernière intervention, ça sera deux. Très très brièvement, bon, moi j'ai fait la campagne de recrutement comme candidat l'an dernier. Et donc pour illustrer ce que peut être une charte et en quoi ça pourrait être utile, le deuxième comité auquel j'ai été auditionné, j'ai dû transmettre ma thèse et mes articles un jeudi matin. L'audition avait lieu le lendemain. Donc concrètement, une charte peut aussi être juste je refuse de siéger un comité où on ne me garantit pas que les documents seront transmis moins de 10 jours avant la tenue des oraux et je demande à voir l'établissement qui refusera publiquement de signer une charte pareille. Quel établissement pourra dire publiquement non, nous refusons de signer un engagement à transmettre les pièces légales aux membres du jury moins d'une semaine avant la tenue. Voilà, et c'est des choses qui arrivent plus fréquemment. Bon, là, 24 heures, ça relève du... bon, là, il faut en rire. Mais quand c'est 5 jours, c'est pas mieux, en fait. Parce que c'est pas plus sûr. Une dernière question. Je voulais juste revenir sur les deux interventions. La première, sur il faut d'abord avoir un statut, une reconnaissance, et ensuite, on peut s'exprimer, ou alors il faut être excellent. Il me semble qu'il ne faut pas confondre excellence et travail bien fait. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'on fait bien son travail sans pour autant rentrer dans une logique de reconnaissance instituée. Et je pense que c'est très important de faire ce distinguo-là, parce que sinon, je parlais de ralentir, je crois que c'est impossible de ralentir si on rentre dans cette logique de reconnaissance institutionnelle. Parce qu'on a tout le temps accéléré pour avoir lu le dernier bouquin, avoir écrit les derniers articles, avoir etc. Donc je pense que la notion de travail bien fait est assez différente et elle peut s'appliquer à beaucoup, beaucoup de profils et pas uniquement des profils d'excellence. Sur ce moment de méditation collective. Oui, je n'ai pas. Oui, t'as une question. Non, ça renvoie à plein de choses de fond. Moi, je pense qu'il faut passer à l'exposé suivant pour regarder des choses pour là. Parce que je vois que le final, ouais, ça. Il n'y a pas d'urgence, ça, ici. Il n'y a pas d'urgence. Oui, je vais dire juste deux mots. D'abord, une charte, même une charte de désexcellence, je crois, n'est pas contraignante juridiquement. Et justement, je viens en venir à ça. C'est-à-dire que si les mandarins peuvent se permettre de dire qu'ils s'assoient sur les textes, hein, je n'ai pas lu, là, en effet, le discours imbécile là, de PSL avec l'histoire de la marque, quand on veut être à telle place dans les classements, et tout. Bon. Peu importe ça, mais on peut, en étant au pouvoir, on peut un coup être souris, un coup être oiseau, hein, comme la chauve souris, c'est-à-dire un coup je m'assois sur le truc, mais un autre coup je t'impose à toi de faire ce que les textes ont dit. Il est toujours beaucoup plus facile de s'inscrire dans ce qui a été décidé par la voie du pouvoir, même y compris bon, enfin, ce dont Johanna a parlé, c'est-à-dire instrumentaliser certaines méthodes, certaines pratiques, certains indicateurs pour attaquer des collègues, puisque de toute façon, ce sont des comment dire, c'est un package, comme on pourrait dire, qui est à la disposition de tous, bon. et qui est finalement qui incarne ce qu'il faut faire à un moment donné dans le milieu sous la pression de la managérialisation du travail. En revanche, il y a ce que les gens essayent de faire, même ce qu'ils essayent de faire collectivement, charte ou autre. Par exemple, les universitaires font une sorte de résistance et de combat silencieux, qui est celui du refus de l'évaluation individuelle, puisqu'en fait, il y a encore une majorité d'universitaires, je crois que les chiffres, ça doit être 56% qui refusent de rendre leur truc là, d'évaluation, mais là, ça ne va pas de soi. Et ça reste chaque fois, les gens se posent la question, est-ce que je vais pouvoir ne pas rendre ça? Quelles conséquences ça va avoir? Et donc, il y a un syndicat qui dit, mais si vous avez des problèmes, prenez contact avec votre représentant. Ça ne va pas. Il faut tout le temps se justifier et le faire individuellement, être regardé sans doute un peu bizarrement, parce qu'on ne fait pas ce que quantité de collègues disent ne pas vouloir faire. Donc, d'un côté, le mandarin qui finalement impose sa vision des choses et la pratique parce que c'est le bon sens, et, hein, comme on dit, c'est la réforme, il n'y a pas d'alternative, on fait ça, et les gens de savoir et de parole qui sont constamment contraints de devoir rappeler les évidences, rappeler précisément ce qui fait socle pour eux dans leur mission. Est-ce que les pratiques voulu par le pouvoir affecte négativement, voilà. Donc comment faire passer ces résistances qui sont collectives, qui sont des arguments, qui sont réfléchis, parce que cette idée-là a donné lieu à des débats. Est-ce qu'on doit rendre compte, est-ce qu'on doit nous faire notre évaluation individuelle ou pas? Comment faire entrer ça dans le champ de la pratique et qui soit en quelque sorte opposable au pouvoir et à ses acteurs? Question. On va trouver des réponses.